La revue des relations internationales américaines National Interest a argumenté le retrait des GIZ d'occupation sud-coréenne, apprend-on du journal d'internet sud-coréen Jaju Sibon en date du 15 courant.